la réincarnation. Je me présente, Annie Poisson, écrivain et femme d'affaires. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique. Bonsoir, je suis Robert Cormier, homme d'affaires. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. La réincarnation, hein? Est-ce que c'est bien toi qui es ici ce soir? François, je t'invite à nous faire une définition de ce que c'est la réincarnation. Bon, la réincarnation, de façon traditionnelle, c'est-à-dire ce qu'on connaît dans les vieilles philosophies, philosophie hindoue, philosophie bouddhique, surtout orientale, c'est que ça commence à partir de la matière, ça commence à partir des cailloux, ça passe par les plantes, ça va ensuite par les animaux, ça finit à l'homme, non, ça finit pas à l'homme, ça continue ensuite, toujours avec le but d'atteindre Dieu. Et j'ai essayé beaucoup d'atteindre Dieu d'ailleurs, ça m'a rien donné. Peut-être que tu l'as atteint. Peut-être que je l'ai atteint, oui, c'est ça. C'est ça qui est décevant. C'est ça qui est décevant, c'est rien que ça, ça. Mais finalement, on parle beaucoup de réincarnation. Il y a la croyance qui fait qu'on peut se réincarner en animaux. C'est-tu vrai, ça? Non. Non, c'est pas vrai. Okay. Est-ce qu'il y a une gradation dans la réincarnation? Est-ce que c'est vrai qu'on parle d'animal pour finir, je ne sais pas? Non plus. Non plus? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une amélioration de ce que tu étais par avant? Non plus. Pour aller... Non. Donc, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce que François a dit? Là? Il a bien parlé, François? Est-ce que ça sert à quelque chose? Mais François, ce qu'il y a de vrai, c'est dans ce qu'il a dit, c'est que c'est ça que les différentes religions croient. OK. Ça, c'est vrai. OK. Est-ce que pour les gens qui, par exemple, pratiqueraient des religions orientales, est-ce qu'ils arriveraient à rencontrer Dieu comme c'est leur but, ou en tout cas, ils venaient dans quelque chose de plus grand qu'eux? Ça dépend toujours de ce qu'on définit par Dieu. Si on regarde chez les Krishna, vous passez minéral, végétal, après ça vous devenez animal, après ça vous devenez femme, ensuite vous devenez homme, et c'est vrai. Et tu deviens homme chez les Krishna seulement si tu as servi pendant plusieurs vies d'une façon parfaite l'homme. Là, la femme a des chances de s'incarner en homme pour finalement pouvoir être sauvée par Krishna. Mais l'humain ne suit pas ces démarches-là. Évidemment, il y a eu une évolution biologique qui s'est faite depuis le rhésus, en passant par un paquet d'hommes préhistoriques, puis en développement jusqu'à nous aujourd'hui. Sauf que chez l'animal humain de l'époque, donc si on regarde Australopithèque, les pithécanthropes et tout cela, il n'y avait pas... Vous n'avez jamais habité ces personnages-là. Bon. Alors, à un moment donné, il y a incarnation, c'est-à-dire qu'il y a apparition de conscience et de conscience astralisée, de psychologie, finalement un petit peu d'intelligence, etc., à travers des véhicules corporels, qui vont être les véhicules les plus efficaces pour exprimer l'intelligence. Alors, si vous réincarnez dans un chien, par exemple, le chien n'a pas le centre laryngé, il ne peut pas parler, il ne peut qu'aboyer, le chien n'a pas de main, donc le chien n'est pas organisé pour exprimer de l'intelligence, alors l'intelligence ne s'incarne pas dans le chien. Ok, juste avant de conclure, là, tu es rendu déjà loin, tu es rendu dans l'intelligence puis de la conscience. La nomenclature que j'ai faite tantôt, certains mots, tu dis, pour l'humain, ça se passe pas comme ça, mais eux, ils ont pris ça quelque part, là, parce que là, il y a des milliards d'individus qui vivent, surtout les hindous, qui sont assis, puis ils disent, ben là, ça va pas bien dans cette vie-ci, c'est pas grave, l'an prochain, ça va être mieux. C'est pyramidal, tu avais l'information, c'est pyramidal. Il y a un hindou, à un moment donné, qui a pensé ça, il a communiqué aux autres, les autres ont communiqué aux autres, puis ils ont communiqué aux autres, puis aujourd'hui, il y a des milliards qui croient à ça. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des milliards qui croient à ça que c'est ça qui se passe. Pendant longtemps, toute la planète Terre croyait que la Terre était plate. Aujourd'hui, on sait qu'un plat, mais bon, mais c'est rond. Alors, c'est pas... La réincarnation est là d'esthétique dans la vision traditionnelle des religions. Même l'Église catholique a enseigné la réincarnation jusqu'à Vatican II, où par la suite, on a décidé de cesser de l'enseigner, non pas de la renier, mais de cesser de l'enseigner, parce que la problématique des gens qui croient à la réincarnation... Un jour, vous irez faire un tour peut-être à Taïwan. C'est très intéressant, c'est dans la Chine. Et vous allez vous rendre compte que, comme dans plusieurs pays d'ailleurs, mais surtout là-bas, c'est intéressant, vous prenez un taxi, et puis là, vous roulez, vous circulez sur les rues, et puis ça roule, c'est préférable d'avoir les yeux bardés, pour ne pas faire de crise de cœur. Et ils s'en foutent! Et quand vous leur dites, oui, mais tu ne te rends pas compte, tu peux mourir! Pas grave, vous me réincarnez! Fait qu'il n'y a aucun problème pour le chauffeur. Alors, on ne vous suggère pas, mais on devrait suggérer aux touristes en arrivant là-bas de changer de religion. Pour adopter la réincarnation. Parce que là-bas, s'il se tue, ben, c'est pas grave, il se réincarne. Et c'est vivant, clair. Alors, les chrétiens ont décidé d'éliminer cet enseignement parce que ça créait des problématiques. Ouais, mais c'est ça, mais pourquoi c'est plus ancré encore maintenant chez des l'Orient en général, puis en Occident, c'est... même les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de courants à la mode, la spiritualité, puis les gens parlent de réincarnation, puis, mais c'est pas avec la même philosophie ou la même attitude de c'est pas grave, je me réincarnerai, là, c'est pas la non, même mais ça veut dire que les Occidentaux sont des gens qui croient à plein de choses, mais qui finalement n'y croient pas. Alors c'est eux d'ailleurs qui vont dire tout le monde va aller au ciel, une personne va mourir, bon c'est ça. En Orient on n'aurait pas ça, on a ça en Occident. Ce qui est intéressant de la réincarnation donc, c'est esthétique, c'est que ça permet premièrement, au départ ça l'a permis d'expliquer les injustices, parce que Dieu étant parfait et Dieu étant le créateur de l'humain, bien pourquoi un enfant naît-il avec un handicap physique? Alors c'est parce que Dieu a décidé de pas martyriser, là, il y a un terme plus politique dans la religion. Éprouver, voilà. D'éprouver, on éprouve des douleurs. Il a décidé d'éprouver les parents, alors il renvoie un enfant handicapé. Mais l'enfant handicapé, il est handicapé pour éprouver les parents. Quelque part, on se fout de l'enfant. Et là, on va dire, non, on veut éprouver sa vie aussi. Bon, mais l'éprouvaille, il y a des taux à bord, il y en a qui naissent en parfaite santé, d'autres qui naissent malades. La réincarnation est venue au secours de Dieu, et elle a dit... Tout le monde est venu au monde parfait, mais parce que vous avez commis des conneries dans vos vies, eh bien maintenant, vous payez le prix. Donc, est-ce que c'est une vérité, la réincarnation, ou c'est juste un concept qui sert à adoucir la vie? C'est un concept intéressant qui émancipe la conscience, mais qui ne fait pas partie de l'absolu. Ce n'est pas, c'est un concept qui n'est pas, fait partie de l'illusion. Puis quand tu dis illusion, tu veux dire... Je veux dire par là que vous n'avez jamais, vous ne vous êtes jamais réincarné. Mais je vais expliquer. Oui, parce que le vous, là... Mais tu ne t'es jamais réincarné. Mais je vais expliquer. Bon, ok, explique, parce que là... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ce qu'elles croient, c'est qu'elles ont choisi leur vie. Bon, ça, c'est un autre problème intéressant. C'est qu'au départ, dans l'illusion, le mensonge cosmique, on dit à l'être humain qu'il a les barbites, et on lui explique que lorsqu'il meurt, il gagne le monde de la mort, il se repose un peu, il joue au golf, bon. Et puis, à un moment donné, bien là, il regarde toutes les conneries qu'il a faites dans sa vie, et il apprend. Mais ce sont des leçons. Bon, l'homme a été créé parfait comme Dieu apparemment, puis il a pu être besoin de plein de leçons. Et puis, finalement, il va établir sa prochaine vie, il va établir ses prochaines leçons, ses prochaines épreuves, comme quoi on aime souffrir, et il va choisir ses parents. Est-ce que les parents ont choisi cet enfant-là? Mais d'après, oui, tout le monde a choisi toi-même. Ah, si les parents m'ont choisi, est-ce que j'ai choisi mes parents? Oui, les deux, tout à l'heure. Un instant. Si je te choisis comme mère, est-ce que tu as le choix de me choisir comme fils? Mais avant, moi, quand j'étais mort, j'étais... Tu m'as choisi comme fils? Oui, j'ai tout prévu. Tu m'as choisi comme fils, est-ce que j'ai le choix de changer de mère? Non, c'est pas présenté comme ça. Ils vont jamais jusque-là. C'est l'harmonie totale. C'est ça. Tout le monde voulait. Oui, je sais, ils vont jamais jusque-là. Toi, tu choisis tes enfants, et les enfants choisissent leurs parents, et tout est parfait. Mais attends, là, ce qui fait que c'est présenté pour que ça a l'air correct, parce que là, dit comme ça, c'est évident, ça marche pas, c'est que ça a l'air que... Excuse de dire ça, franchement, comme ça. C'est une entente entre les deux âmes qui, elles, sont supposées savoir ce que tu dois apprendre dans ta prochaine vie, puis là, rencontrer les personnes pour te faire apprendre ça. Donc, tu sais d'avance qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes. Imaginez-vous le gros problème de la gestion divine d'avoir un ordinateur assez phénoménal, c'est que je dois choisir mes amis, mais seulement s'ils m'ont choisi. Je dois choisir mes ennemis, mais seulement s'ils m'ont choisi. Je dois choisir toutes les rencontres que je vais faire dans ma vie, mais seulement s'ils m'ont choisi. Mais eux, quand on est mort, on est tous ensemble et on est tous d'accord sur un plan. On même pas quand on est 4-5 dans la même famille, puis on va aller dans le paradis, puis là on va être 300-400 000 personnes. Mais on en rencontre du monde dans sa vie. Oui, mais mieux. Ce qui te sauve, c'est ton libre arbitre. Ouais, tu peux choisir. C'est l'autre gros gars. Ben oui, c'est ça. Il y a une destinée, mais t'as le choix. C'est ça. T'as le choix de réagir. Les appels, mais n'oblige pas. Oui. Non, mais c'est que t'as tout choisi ça d'avant. C'est pas ici que t'as libre-arbitre. Avant, tu l'avais. T'étais plus éclairé avant. Là, pourquoi faut-tu venir ici? OK, parfait. Avant, on avait le libre-arbitre et on n'était plus éclairé. Alors, quel est l'imbécile qui organisait le monde pour que je suis éclairé, je me fais ma vie, j'oublie tout, je redescends pour apprendre ce que je savais avant? C'est pour ça qu'on oublie quand on vient au monde, parce que si on s'en rappellerait, on connaît les réponses. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ça. 5 à 5. Oui, oui, parfait. Bon. C'est ça, là, le cerveau, il oublie, tu passes un examen, il manque son coup, je le fouette jusqu'à temps qu'il l'apprenne. C'est la vie. Parce qu'après, ça continue. Maintenant qu'il l'a appris, on continue. C'est ça. Alors, moi, c'est comme si l'explication était qu'il faut que tu te rappelles de ces choses-là dans un corps physique. Non, surtout comme s'il fallait que tu souffres, que ce méritoire, fallait qu'on te bûche dedans. Chose est certaine, c'est que c'est pas comme c'est d'ailleurs, c'est pas ça qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a amusant. Bon, mais y a-t-il quelque chose? En plus, il n'y a pas un imbécile qui aurait choisi son corps physique s'il avait été moindrement brillant en haut. Hein? Vous n'auriez pas choisi le corps que vous avez là, vous auriez choisi celui d'un autre. Bon. Alors, déjà au départ. Mais c'est avec tes preuves, l'envie. Après ça, est-ce qu'on choisit nos virus? Est-ce qu'on s'entend avec lui avant? Mais ça, les virus, pour eux autres, c'est pas humain, effectivement. Parce qu'il y a des façons de penser qui vont parler des animaux et tout ça, mais il y en a qui disent qu'on s'incarne comme ça dans les animaux, mais ça, les maladies, ils vont dire que... Ça, on a choisi nos maladies, on s'est dit, tiens, oui. Une bonne pneumonie, ça va m'enseigner à prendre des médicaments. Quand l'humidité. Ils disent, ça enseigne l'humidité. L'humidité. Oui, parce qu'ils vont même sortir que chaque maladie est reliée à quelque chose que tu as à apprendre. Oui, c'est vrai. Les poumons, c'est différent du foie. Les poumons, c'est parce que finalement, tu n'oses pas affronter la vie, tu n'oses pas... Oui, mais si moi, au départ, j'avais rien qu'à m'organiser pour oser affronter la vie, je me serais sauvé de pneumonie. Mais ça marche pas de même, apparemment. Alors, je comprends. J'ai supposé, c'est ça. Il faut comprendre, puis ça, c'est un phénomène très intéressant chez l'être humain. Si on vous place dans une situation de bonheur, vous allez apprendre. Mais la nature fondamentale de l'humain, c'est de rechercher la souffrance. Alors, c'est pourquoi il démolit tout ce qu'il peut. Les contextes, le bonheur, etc., puis s'auto-punit, etc. Si on vous met dans une situation de malheur, vous allez aussi apprendre. Et comme l'humain, fondamentalement, c'est inconscient chez vous, fondamentalement, il recherche la souffrance, il va finir par dire que la souffrance, elle est bonne pour lui, parce que c'est la souffrance qui l'instruit. OK. Si moi, je rencontre mes parents qui sont gentils, qui sont plaisants, si ma nature est de détruire le bonheur, c'est évident que je vais leur faire plein de problèmes. Mais si ce n'était pas ma nature, et je serais heureux. Et j'apprendrais le bonheur avec des parents heureux. Et moi, je me dis que parce que mes parents m'ont battu puis qu'ils m'ont privé, finalement, j'ai appris que quand j'étais pour des enfants, c'était pour être meilleur. Ben, si c'était pour être meilleur, tes enfants, ils vont apprendre quoi, eux autres? Ça fait partie des stupidités, de l'incohérence, en réalité, de la compréhension de l'humain en face, premièrement, de sa présence dans le continuum, c'est-à-dire dans la création. Et la réincarnation, elle est esthétique parce qu'elle permet de préserver des vieux concepts qui ne sont plus utilisables par votre esprit, qui ne sont plus utilisables par l'intelligence humaine. Alors, à un moment donné, tu vis, tu meurs et on t'oublie. Et ça ne va pas. Alors, tu vis, tu meurs, tu vis, tu meurs, tu vis, tu meurs, ou encore, il y a la vie éternelle. Mais la vie éternelle, pour plusieurs, à un moment donné, ça crée un paquet de problèmes aussi, parce que, bon, j'ai bien croire, je suis rendu dans la vie éternelle, je suis éternel, je suis à côté de Dieu, puis éternellement, je ne fais rien. J'espère que j'aurai changé pas mal, parce que déjà, quand il met en lui les soirs, quand il est seul chez lui, là, il va aller se payer une éternité avec Dieu. Ça va être ennuyé longtemps. Ben, bon, là, tu parles de la réincarnation, vu comme on la décrivait tantôt, c'est-à-dire la manière traditionnelle de la réincarnation, c'est un concept qui on retient le mot réincarnation, mais finalement, ça n'a plus grand rapport avec ce que c'était. Non, la réincarnation, carné veut dire viande. Alors, incarné veut dire embarquer dans la viande, et réincarné veut dire embarquer encore dans la viande. OK? Qu'est-ce bon. Que les végétariens font là-dedans, là? Ben, ils végétariens. Alors, carnivore mange de la viande, donc carné, en espagnol, d'ailleurs, carné, c'est la viande. Alors, c'est ça. Mais l'humain ne se réincarne pas. L'humain, on parlait de l'humain, on parlait de l'intelligence, de vous autres. Vous autres, là, mais ça pourrait être défini de bien des façons, évidemment. Mais l'intelligence chez l'humain, la lucidité chez l'humain, parce qu'il y a la conscience, il y a la lucidité. Vous autres, vous avez embarqué dans la viande, vous êtes incarné une seule fois. Mais tu vas en décevoir. Et vous vous réincarnerez pas. OK. Est-ce que ça veut dire que depuis le début de l'humanité, il y a eu... Mais ça veut dire qu'on vient sur la Terre, on meurt... C'est pas le tour, oui. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que si on s'incarne une seule fois, c'est qu'est-ce que les catholiques croient. Ça veut dire qu'on vient une fois, oui. On meurt... On va en enfer ou au paradis. On vient une fois, on ne meurt pas, mais on en fait ça, oui, ça, l'enfer. On vient une fois et on ne meurt pas. L'enfer, j'ai déjà expliqué, l'enfer, c'est un terrain de golf puisqu'il n'y a pas de balle. C'est l'enfer. Ça veut dire que tu viens une fois, tu descends une fois dans la matière, mais tu n'en ressors pas, tu continues. Non, tu en ressors. Mais tu ne meurs pas. Non, pas comme l'humain pense. La réincarnation, la naissance, la mort, ça fait partie du même mensonge, de la même illusion. Pas tout à fait, je vais expliquer, Mais quelqu'un là, qui se fait hypnotiser, là, puis là, qui a clairement senti, là, qu'en 1818, il était en Angleterre en train de se faire fouetter par le vent, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, quoi, c'est juste l'imagination, Comment peut-il sentir réellement qu'en 1210, il était fouetté par le vent en Angleterre? Oui, je le sais, moi, je savais. Comment? Ben, dans ton corps, tu le sais. Tu le sais. Mais oui, mais c'est comme sérieux, là. Quand tu vois des choses que tu reconnais, que c'est tu ça. Sais que tu as déjà vu. Ah oui, c'est une autre affaire, là. Il s'en va faire un voyage en Angleterre, puis il a passé par cette porte-là déjà, puis là, il fait dire, oui, j'ai fait ça. Non, mais ça, il y en a dans... En tout cas, j'en ai lu dans bien des livres, qui arrive quelque part, puis il sait que l'autre bord du coin est à tour, puis il y a quelque chose. J'ai lu dernièrement les livres de J.R. Tolkien, là. Puis je pense pas que c'est vrai pour autant. Seigneur des Anneaux, c'est ça qui est dit. Non, mais oui, mais lui, il dit pas. On sait que c'est dans des livres, Mais on a entendu parler de parler, on a rencontré du monde qui... Ouais, mais ça... Mais moi, j'ai eu l'impression quand j'arrive dans... Je suis déjà arrivé dans un lieu, puis j'avais l'impression que j'étais déjà... Tu expliques par ça que tu le vois, tu l'oublies, tu le revois tout de suite, donc c'est une mémoire à très très court terme qui est mal employée, ce qui te laisse l'impression du déjà vu, mais en réalité, tu le vois souvent, tu le vois. Ah, mais c'est pas juste le voir, c'est le sentir au complet, j'étais déjà là. OK, est-ce que tu étais capable de savoir qu'il y avait l'autre bord d'une porte avant de l'ouvrir? C'est ça, Parce que là, c'est pas le déjà vu psychologique. Si tu étais capable de savoir qu'il y avait l'autre bord d'une porte avant de l'ouvrir... Non, c'était pas aussi fort que ça. Ah, voilà. Non, moi j'en connais qui s'est arrivé par la main. Oui, c'est ça. On a vu du monde qui savait déjà. Peut-être ton cheminement t'a fait rencontrer. Ah, beaucoup de monde, moi. Bon, mais qu'est-ce que c'est ça? Il arrive ceci, effectivement. J'ai commencé à dessiner. Puis là, tu me recommandes-tu un psychologue? Ça allait faire des psychologues. Bon, on faisait des choses intéressantes. Oui, c'est ça, pour moi. Il y avait beaucoup de farces télépathiques, là. Oui, c'est ça, oui. C'est des farces que vous ne pouvez pas comprendre. Oh, bon, ben ça. On y est pareil. As-tu compris la mienne? Je ne sais pas si. C'était pas drôle. Oh, ben là. Tu n'as pas compris. OK. Télépathie, Daniel? Tu sais, parce que... Télépathie, tu viendras avec moi. Alors, il arrive ceci qu'à un moment donné, il y a des personnes, on va les appeler des individus. OK? Pas les appeler des gigotos. Bon. Alors, ces personnes-là, ils sont ici, disons toi, François. Et puis, à un moment donné, tu, par hypnose, tu as l'impression, ou encore Annie, là, ça y est, tu as l'impression que tu sens le vent dans tes cheveux, tu sais, on ne peut pas tous payer ce luxe, en tout cas. Tu sens le vent dans tes cheveux, en Angleterre... Dans une autre vie, peut-être. Dans une autre vie, peut-être. Ah! Effectivement. Bon. Parce que tu étais une femme avant d'être un homme, tu avais des grands cheveux blonds. Mais il dit, j'ai jamais été une femme. Tu vas nous expliquer ça. Mais quoi, ça existe la réincarnation? Comment? Ça existe la réincarnation? Non, je n'ai jamais été une femme. Ah, c'est vrai, une fois, une vie, oui, c'est vrai. Logique, oui. Écoute, ça n'en est plus, par exemple. Comment se fait-il que tu as l'impression de te souvenir d'une vie antérieure si la réincarnation n'existe pas? Mais le gros de la question, il ne se pose pas là. Le gros de la question se pose ici. Comment se peut-il qu'en 1991, par exemple, que tu sois capable de sentir exactement ce qui s'est passé en 1810. Et la question, elle doit se poser là pour n'importe quelle personne qui veut comprendre un petit peu plus sa présence sur le continuum et comprendre un peu plus aussi quelles sont les lois qui régissent l'humain, qui régissent le contexte, qui régissent la création. Il faut poser des questions d'une façon différente. Et le gros de la réponse, évidemment, va, c'est impossible. Sauf, et je dis bien, c'est impossible, sauf si 1810 existe en même temps que 1991. Ça veut dire que tu es dans deux temps en même temps. Tu ne peux pas sentir ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé ne se passe plus. Mais... attends une minute, là. Toute l'astral, c'est plein de mémoire. Une minute, je vais avoir le temps d'expliquer. Moi. C'est plein de mémoire, donc ce qui s'est passé, c'est enregistré dans l'astral. Tu peux aller lire ça. Qu'est-ce que la mémoire? Ben, c'est l'événement qui est inscrit dans les atomes de carbone, de l'astral. Puis, si tu as le lecteur, va aller lire ça. Ton âme, elle se promène dans ton corps astral. Il est de même niveau. Il va aller lire là-dedans. Il y a des gens qui sont capables de percevoir 100% tout ce qu'ils ont été. Et on va parler à la prochaine conférence. Ils sont même capables de reconnaître des gens qui apparemment auraient vécu avec eux là. Là, c'est pas dans les atomes de l'astral. Mm-hmm. Et l'autre personne est même capable de la reconnaître aussi, puis tous les deux peuvent en même temps se retrouver. On va parler à la prochaine conférence. Ça veut dire que c'est plus uniquement de la mémoire, parce que les individus se reconnaissent et les individus vivent la reconnaissance. On peut parler longtemps. Bon. Ce qui est donc intéressant, évidemment, qui permet de mieux comprendre l'idée de la réincarnation, c'est d'être capable de voyager dans le temps. Ce qui n'est pas encore donné à tout le monde, c'est évident. Mais on va revenir avec un point intéressant. Moi, ce que je dis, c'est que, et je le sais par expérience, j'ai expérimenté, 1810 existe actuellement en même temps que 1991, et quand tu as l'impression de sentir, c'est qu'il y a un contact qui se fait entre ici et 1810 avec toi qui habite un autre corps maintenant. Et ce qui se passe ici est communiqué ici. Oh, mais ça, c'est pas plus moins ouvert que la théorie de François. Oui, mais c'est quand tu dis moins, puis moins, là, c'est puis pour le prouver, il faudra que je t'amène faire un tour dans le temps. Mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu vis, puis tout ce que tu peux expliquer de ta vie, au niveau réincarnationnel, au niveau de tes expériences, au niveau des changements, au niveau des ceci, des cela, de tes reconnaissances d'amis, tu vas voir que tout s'explique à merveille, mais ça ne s'explique pas par les processus traditionnels de la réincarnation, c'est-à-dire par les concepts qui ont déjà été amenés. Mais Daniel, comment tu peux prouver? On va commencer par vous l'expliquer. Après ça, on parlera de comment prouver. T'en penses? Mais oui. Ça, là, quand tu sens là, pendant une minute le vent dans tes cheveux en 1810 qui se passe en même temps que 1991, là, quand tu le sens plus, est-ce que ça existe encore en 1810? L'idée de la réincarnation, c'est que vous êtes en contact avec vous-même actuellement. L'être humain, il vient au monde, on va dire. L'être humain s'incarne une fois dans des milliers de corps, dans un continuum d'expériences qui couvre la date où les corps commencent à recevoir le monde, c'est plusieurs mille ans avant la naissance de Jésus, et ça va très très très loin dans le futur. Et quand vous vous êtes incarné une fois, mais dans tous ces corps-là en même temps. Et c'est ce qui s'est passé. Puis tous ces corps-là vivent en même temps. Tout vit en même temps. Mais il y a des corps... Mais ça, on ne parlera pas trop du temps, parce que c'est instantané. Pourquoi il y a des corps qu'on se rappelle plus puissamment que d'autres? Premièrement, il faut, pour établir les liaisons entre les différents corps, puis là, demain, il faudrait qu'on parle de toute la gestion du temps. Mais ça, on n'en parle pas ce soir, ce serait trop long. Je veux vous donner une nouvelle version de la réincarnation qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus pratique, et qui permet par la suite d'accueillir des informations, de nouveaux concepts, et finalement des informations vérifiables, alors que si on part avec l'idée de la réincarnation antérieure, on va toujours rester avec des problèmes. Parce que le point fondamental, c'est que l'être humain réincarne autant du passé que du futur. Et les personnes qui réincarnent du futur sont les personnes, on va dire, ils ont de l'imagination, et ils voient des choses. Ils ne voient pas des choses, ils sont simplement en contact avec eux-mêmes, mais dans une adresse temporelle du futur, en contact avec eux-mêmes, et alors que toi, tu es en contact avec toi-même dans les adresses passées. OK, par quoi je suis en contact avec moi partout, là? Génétiquement, vos corps physiques ont des caractéristiques qui sont particulières, et à travers le temps, tu as aussi des caractéristiques particulières, et normalement, vous allez vous réincarner, normalement, la majorité des gens s'incarnent une fois, dans la même lignée corporogénétique, et dépendamment des corps physiques, vous allez établir des relations plus faciles à travers le temps. Tu veux dire des grands-pères, puis des ancêtres, puis ça serait toute la même lignée de... La majorité des gens s'incarnent, mais il y a évidemment des incarnations qui se font par imprégnation, c'est un peu compliqué, mais la majorité des gens se réincarnent dans des corps physiques qui ont des spécificités génétiques similaires. Ça veut dire que la personne qui ici a l'âme d'un chevalier, par exemple, ou d'une princesse, elle a probablement été princesse, mais si elle fouille dans plusieurs mémoires, ça va se rapprocher à peu près tout le temps. Donc, elle aura à peu près la même limite. Et évidemment, elle peut se retrouver chinoise, elle peut se retrouver européenne, etc. Mais c'est un peu long d'expliquer pour l'instant. Ce que je veux juste que vous compreniez au départ, c'est que tu vis dans différentes adresses temporelles et de temps en temps, il y a un contact plus clair qui est établi. On va pour l'instant passer sur l'idée du contact plus clair. Il y a un contact plus clair qui s'établit entre vous autres à travers le temps. Et ce contact-là, c'est ce qui, pour l'humain, s'appelle la mémoire de ses vies antérieures. Le souvenir, là, ça. Est-ce qu'on est au centre actuellement de... Non, non, il n'y a pas de centre. On est quelque part là-dedans. Là. On est quelque part là-dedans. OK, oui, ça c'est plus... Bon. La palingénésie, le rebirth, le rebirth. Oui, oui. Bon. Il y a des techniques actuellement, comme il y a des techniques du passé, qui permettent à l'humain de juste jouer avec ses canaux. Il peut passer évidemment d'un à l'autre ici. Et ça lui permet d'aller rechercher des impressions. Qu'est-ce qui fait que l'homme a tout le temps à regarder au niveau de la réincarnation? Pourquoi est-ce qu'il regarde tout le temps vers ce qu'on peut appeler le passé? Bon, pourquoi la majorité des êtres humains, sauf aujourd'hui et quelquefois dans le temps, les humains ne se rappelaient que du passé? Et c'est pourquoi les humains avaient un culte des ancêtres si important, parce que les vieux te parlent. Mais les vieux te parlent, tu as un contact religieux. Il y a des techniques pour être capable d'être en contact avec ce que tu vis dans d'autres époques. Et là, l'autre, il va te dire, écoute, là, il y a un nuage, il y a ce nuage-là, là, il y a un orage. L'autre, il te répète, c'est vrai. L'autre, il te répète, c'est vrai. Puis toi, quelque part, avec ta magie, si tu es un sorcier ou quelque chose du genre, avec les ancêtres, tu es capable d'être sage. Parce que tu cumules subitement 3, 4, 5, 100, 600 ans d'expérience, les chamans le faisaient, tu cumules plus d'expérience maintenant. Il y a eu, par exemple, avec les papes, le Jean-Paul II, présentement, il est une grande majorité, il n'est pas tous les papes en même temps, il est une grande partie des papes, parce que les papes, à un moment donné, il y en a qui sont excommuniés mutuellement, il y a déjà eu trois papes en même temps, bon, il y a eu des problèmes. Mais du moment qu'il revêt, qu'il est baptisé, qu'il se donne un nouveau nom, il prend le nom des ancêtres, Jean existait, Paul existait, bon, lui, il a pris le deux noms de gars, une chance qu'il n'ait pas pris Pie 11 et Pie 8, évidemment, ça aurait été qui premier, mais en tout cas, bon. Jean-Paul, automatiquement, est en contact avec les autres papes, ce qui lui donne immédiatement un charisme qu'il n'avait pas avant d'être pape. Il y avait un charisme, il n'y a pas de charisme des papes. Le Dalai Lama fait la même chose, et il y a différents individus à travers le temps qui ont été capables de rester en contact avec ce qu'ils étaient, eux, dans d'autres temps. Mais là, c'est pas clair pour moi. Pourquoi ce pape-là, il n'a pas la connaissance ou le savoir ou la sagesse des papes après lui? Bon. Premièrement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de papes après lui. C'est ce que oui. Dans son cas, oui. Dans son cas, oui. Prenons un autre exemple. Bon. Non, mais attends, c'est une bonne question, parce que... Oui, mais j'ai expliqué avant pourquoi l'humain, généralement, n'a pas de contact avec le futur, okay. Et il a plus de contact avec le passé. Hein? Bon. L'expérience qui est vécue par un corps physique, est déterminée, l'expérience qui est acquise est déterminée par sa génétique, par ses capacités d'assimilation, par ses capacités de fonctionnement. Il y a aussi une émancipation psychologique à travers le continuum, à travers le temps. Bon, je vais vous poser des questions, c'est pas très clair. Mais ce qui arrive simplement, c'est que le personnage qui vit actuellement en l'an 1208 a la capacité de supporter, dans sa psychologie, le corps astral, la psychologie, un des corps planétaires, mais ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas vous. L'être humain n'a jamais peur. Quand vous avez peur, c'est vos corps inférieurs qui ont peur. Bien, le corps inférieur de notre personnage de 1208, c'est un corps inférieur qui n'est pas aussi vibratoire, qui n'a pas autant d'énergie,